Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui l'histoire, le meurtre du felkiste Mario Bachand à Paris en mars 1971. L'autopsie d'un ancien membre du Front de libération du Québec, Mario François Bachand, trouvé mort hier soir dans son appartement à Paris, a permis d'établir qu'il a été tué de 2 balles dans la tête. D'après un ami de la victime, celui-ci était étudiant en France depuis 2 ans, après un séjour à Cuba et en Belgique. C'est le 29 mars 1971 que le cadavre de Mario Bachand est retrouvé dans son appartement de Paris. Le meurtre de Bachand reste aujourd'hui encore un crime non résolu. Il y a 2 grandes hypothèses qui vont d'ailleurs très vite circuler autour de sa mort. Certains vont parler d'un meurtre d'État, un assassinat politique, si vous préférez, alors que d'autres parlent plutôt d'un scénario de règlement de compte à l'intérieur même des rangs du FLQ, le Front de libération du Québec. Jacques Langteau, un des felkistes exilés à Cuba après la crise d'octobre, va plus loin encore. Il se rappelle très bien une conversation que lui et tous ses camarades ont eue avec Charette et Allard lors d'une première rencontre dans une chambre d'hôtel à La Havane, 3 mois après la mort de Mario Bachand. Et on commence à parler, puis à un moment donné, le sujet de la mort de Bachand arrive sur le tapis et d'emblée... Pierre Charette prend la parole et dit ben, « Je suis l'auteur spirituel de la mort de Bachand. » Il s'est revendiqué comme tel. Auteur spirituel. Auteur spirituel. Alors là, on a demandé qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qu'il voulait dire, mais il a dit « Bon, écoutez, Bachand et La Havane, il a nuit à l'image du FLQ, il se tenait avec des prostituées, il a sorti de Cuba, il est revenu, il avait apporté des petites culottes à une fille, donc c'est un comportement indigne d'un révolutionnaire, donc c'est pour cette raison-là qu'on a décidé de le supprimer. » Vous étiez choqué d'apprendre... On était choqué d'apprendre que Bachand avait pu être tué par des camarades du FLQ. À ce moment-là, on se disait que tout le monde, on va tous y passer, parce que pour une divergence ou pour une autre, on va tous s'entretuer, et c'était inadmissible. Extrait de l'émission « En jeu » du 10 mars 1997, vous y entendiez le journaliste Simon Durivage interviewer l'ex-felkiste Jacques Langteau pour nous parler du contexte des circonstances également qui ont entouré le meurtre de Mario Bachand à Paris en 1971. Je reçois l'historien Dave Noël. Il est journaliste au Bureau du Devoir à l'Assemblée nationale à Québec. Il est aussi l'instigateur, avec le journaliste Antoine Robitaille, de la série documentaire « Mario Bachand, le dernier felkiste » disponible sur la plateforme Illico. Dave Noël, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ça représente, Dave Noël, cet épisode de la mort de Mario Bachand dans l'histoire du FLQ? Eh bien, la mort de Bachand, c'est un peu l'incarnation du début de la fin pour le FLQ. En mars 71, on est 3 mois seulement après le dénouement de la crise d'octobre, donc qui se termine par l'arrestation des felkistes de la cellule Chénier, responsable de l'enlèvement et de la mort du vice-premier ministre québécois Pierre Laporte. Donc, en 71, le FLQ tente de se réorganiser. Alors qu'il est paradoxalement plus éclaté que jamais. Oui. On a des groupes qui sont à Cuba, à Alger, en France. Donc à Cuba, on a le groupe de Jacques Langteau, la cellule Libération, qui a obtenu un sauve-conduit là-bas en échange de leur otage, James Cross, le Britannique. Oui. On a aussi un duo de pirates de l'air felkistes, Pierre Charette et Alain Allard. On entendait parler de Charette dans l'extrait un peu plus tôt. Donc, eux, c'est un peu particulier. C'est 2 felkistes qui appartenaient à un réseau précédent, le réseau Geoffroy, qui était actif à Montréal en 68-69. Ils ont mis plusieurs bombes, dont la super bombe de la Bourse qui a fait des blessés. Et ces 2 felkistes-là se sont enfuis à New York et de là, ont détourné un avion de New York allant à Miami, l'ont détourné sur La Havane. Donc, on a un groupe très important de 7 personnes qui sont à Cuba. On a aussi un deuxième groupe qui est à Alger, donc un trio. Ils sont moins nombreux, mais beaucoup mieux organisés. Ils ont fondé une délégation extérieure du FLQ à Alger. Et cette délégation-là a obtenu une reconnaissance du FLN algérien, donc le parti au pouvoir. Et là-bas, ils ont un appartement, ils ont un petit revenu. Et ils côtoient d'autres membres de groupes révolutionnaires, dont les Black Panthers et le mouvement de libération des îles Canaries. Donc, ils sont là-bas, ils sont actifs, ils publient des bulletins d'information. Et puis, on a un troisième groupe, donc le groupe en France, qui comprend des felkistes plus ou moins actifs qui se trouvent là-bas, dont Mario Bachand. Et Mario Bachand qui est au cœur des conversations entre les felkistes d'Alger et de Cuba à ce moment-là. Revenons à cette série que vous avez décidé de faire avec Antoine Robitaille. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a donné envie de revenir sur cette histoire-là? Puis comment vous êtes tombé sur la piste de Bachand, de fait? Ben nous, le point de départ, c'est pour le 40e anniversaire de la crise d'octobre, on s'était intéressé aux archives du CAD. Le CAD, c'est le Centre d'analyse et de documentation. C'est un organisme un peu secret qui a été fondé par Robert Bourassa après la crise d'octobre en 71. Il avait confié à l'ancien journaliste Gilles Néron des ressources pour créer, monter des dossiers sur les groupes ou les individus jugés subversifs. Donc, le CAD enquêtait un peu sur différents groupes. Et quand son existence a été rendue publique après quelques années, on s'est mis à parler de la police politique de Bourassa, la CIA québécoise. Et René Lévesque, en prenant le pouvoir, a fait déchiqueter tous ces dossiers-là. Et en 2010, on croyait que tout avait été détruit, mais il y a quelques boîtes qui avaient été sauvegardées miraculeusement, on peut dire. Et dans ces boîtes-là, il y avait un rapport secret de la GRC, en fait une copie d'un rapport dans lequel on mentionnait Bachand. On disait que Bachand avait voulu prendre part à un attentat contre Robert Bourassa lors d'une visite prévue en France en avril 71 et qu'il se serait retiré du complot, donc le complot se serait retourné contre lui parce qu'il en savait trop, donc on l'aurait éliminé. Donc ça, c'est comme ça qu'on a entendu parler de Bachand pour la première fois. Et évidemment, on a eu le goût de poursuivre nos recherches et la série, dans le fond, est basée sur lui parce qu'il est là au début du FLQ et il est là à la fin. Et donc, il incarne aussi le volet international du FLQ qui est éclaté, qui est avec des gens en exil un peu partout. Et donc ça, c'est un autre point intéressant. Et bien sûr, le volet du meurtre non résolu qui nous intéressait beaucoup. Oui, cet aspect mystérieux qui reste encore présent aujourd'hui, puis on y reviendra dans quelques minutes. Mais profitons du fait que vous dites Bachand, il est intéressant aussi parce que par lui, c'est toute l'histoire du FLQ qu'on revoit. C'est vrai qu'il est là dès le début, ou à peu près, c'est un militant de la première heure. Pour comprendre un petit peu ce qui le motive, il a des convictions très, très fortes. C'est un vrai, entre guillemets, comme on dit. On l'est écoute en entrevue avec Judith Jasmin à l'émission « Ni ange, ni bête » en 1966. Et pourquoi, dans votre idée alors, vous et vos camarades, à quoi ça pouvait servir ces bombes-là, dans les boîtes à lettres? Ce n'était pas les boîtes aux lettres qu'on visait. C'était la ville de Westmount, qui était pour nous, si vous voulez, l'incarnation de la bourgeoisie anglo-canadienne. C'est là d'ailleurs que les 10 plus grands millionnaires canadiens habitent. Mais il y avait des risques quand même de blesser, de tuer quelqu'un. Non, non, non, pour la simple bonne raison que nous avons fait deux jours avant, la fin de semaine, je pense que c'est un vendredi soir, la tournée de Westmount à 3 heures du matin, parce qu'on a mis ces bombes-là à 3 heures du matin pour voir s'il y avait des gens. Comme vous savez, Westmount est un quartier résidentiel, et à 3 heures du matin, il n'y a pas personne dans les rues. Alors on ne pouvait pas, selon nos calculs, blesser qui que ce soit. D'ailleurs, on n'a blessé personne. Mais en fait, votre idée, c'était pas de blesser, c'était de faire quoi? Du bruit, nous de pétard? Nous ne voulons pas blesser. Nous n'avons jamais voulu, le FLQ original, de blesser qui que ce soit. Tout ce que nous voulons, c'est simplement éveiller, plus particulièrement la classe ouvrière canadienne-française, l'éveiller aux problèmes actuels, les problèmes de sa classe. C'est ce qu'on a voulu faire. Donc, ce n'était pas uniquement du nationalisme canadien-français. Ce n'était pas uniquement contre les Anglais. C'était absolument pas contre les Anglais. C'était contre le capitalisme anglo-canadien, ce qui est très différent. Donc, on peut dire que la révolution que vous vouliez faire, c'était surtout une révolution de classe. C'est ça. Mario Bachand au micro de Judith Jasmin en 1966. Parlez-nous un peu de lui, du bonhomme. Il est là dès le début ou à peu près, donc, Dave Noël. Qui est-il, Mario Bachand, et quel rôle il va jouer au sein du FLQ? Eh bien, Mario Bachand, c'est un Montréalais. Il est né en 1944. C'est un autodidacte. Il a quitté la maison très jeune, à 17 ans. Il va s'installer avec sa copine, avec qui il a un enfant. Donc, rapidement, il entre dans la vie adulte de façon un peu brutal. Et puis, lui, c'est un peintre décorateur. Il fait du lettrage, notamment pour la ville de Montréal. Mais c'est vraiment son militantisme qui prend de la place dans sa vie. Très tôt, il s'implique dans les jeunesses communistes. Et de là, il passe rapidement au FLQ, donc le FLQ de 63, le premier FLQ. Et donc, comme il disait dans l'extrait, il est très impliqué dans l'opération Westmount qui visait à terroriser un peu le quartier de la bourgeoisie anglophone. Parce que lui, Bachand, il est vraiment à l'extrême gauche de la gauche. Mm-hmm. C'est ça qui le démarque. Il est très radical, un puriste. Et puis, donc, il s'implique dans le mouvement. Et comme tous les autres, après deux mois seulement, le groupe est totalement démantelé. Dans le groupe, il y a un délateur. Donc, il est dans le coup de filet de la police dès le départ. Et puis lui, sa particularité, c'est qu'il profite de sa caution pour prendre la fuite aux îles Saint-Pierre-et-Miquelon et ensuite jusqu'à Boston, où là, il est rattrapé par la police et il est ramené à Montréal. Et il va avoir une peine de 4 ans de prison. Il va en faire à peu près la moitié. Mm-hmm. Et donc, en 65, il sort de prison. Il est très marqué par son expérience en prison. Mais malgré tout, il reprend son militantisme, un peu où il l'avait laissé, mais de façon plus pacifique, entre guillemets, parce qu'il est notamment présent à la Saint-Jean-Baptiste de 68, le fameux lundi de la matraque, oui. Où Pierre Trudeau reçoit des projectiles. Donc, il manifeste dans ces moments-là clés de la jeunesse de l'époque, et il prépare aussi avec d'autres camarades McGill français, donc qui visait à doter Montréal d'une deuxième université francophone. Donc on est avant l'UQAM, et il prépare cette manifestation-là, mais il ne pourra pas y participer lui-même parce que il se retrouve impliqué dans une espèce d'histoire étrange avec la police, des espions qui surveillaient une rencontre où il était présent, et on l'accuse de vol de matériel policier. Donc il ne veut tellement pas retourner en prison qu'il prend la fuite à Cuba directement et sur place, il fait le tour des ambassades des pays de l'Est. Il se cherche un peu et il finit par gagner l'Europe au printemps 70 et il ne va jamais revenir finalement de là-bas. Oui. Ce qui fait que quand éclate la crise d'octobre en 70, à l'automne 1970, il est très loin de l'action. Il est à Paris à ce moment-là. Tout à fait, oui. C'est vraiment un personnage à ce moment-là secondaire, donc en exil. Mais évidemment, l'exil, c'est un peu une chambre d'écho là-bas. Il suit les événements par la presse. Donc, on peut penser que ça ravive sa ferveur felkiste qui est un peu enfouie. À ce moment-là, on a des témoignages qui semblent indiquer qu'il a voulu aller en Algérie. Donc, il voulait braquer une banque. Il cherchait de l'argent parce qu'à Paris, il vivait très pauvrement. Il vivotait. Il était très maigre. Il n'avait pas beaucoup d'argent. Il vivait chez des amis. Il passait d'un appartement à l'autre. Donc, son coup d'éclat pendant la crise d'octobre ou un petit peu après, c'est l'entrevue qu'il donne à Politique Hebdo, qui est un magazine de gauche de l'époque, où là, il se proclame sous pseudonyme secrétaire général du FLQ, alors que le FLQ n'a jamais eu de chef en tant que tel. Et paradoxalement, il prône en même temps un ralliement au Parti québécois, un parti petit bourgeois, donc une espèce d'alliance stratégique de circonstances. Et au travers de tout ça, il veut quand même, au début de 71, revenir au Québec. Il commence à y réfléchir. Et c'est à ce moment-là qu'il est assassiné. Oui. Le 29 mars 71, précisément, on y revient. C'est ce jour-là, donc, que le cadavre de Mario Bachand est retrouvé dans son appartement de Paris. Si le Figaro ne consacre que 25 lignes ce matin à la mort mystérieuse dans la banlieue nord de Paris d'un étudiant canadien du nom de François Bachand ou Mario Bachand, si le journal Le Monde ne lui accorde que 15 lignes, France Soir, en revanche, traite l'affaire en 2 colonnes. Le jeune homme serait mort assommé par des coups violents, vraisemblablement des coups de gourdin. Mais selon France Soir, ce sont ses activités politiques qui permettront de déterminer les causes de son décès. La brigade criminelle a entendu l'ami français qui hébergeait Bachand. C'est un assistant à la faculté de droit et selon lui, le meurtre aurait eu lieu hier dans l'après-midi entre 3h30 et 6h. Ici Charles Tennerson à Paris. Extrait de l'émission de Tous les points du monde du 30 mars 1971, le lendemain donc de la découverte du cadavre de Mario Bachand dans son appartement de Paris. Qu'est-ce qu'on sait, Dave Noël, avec le recul, des circonstances entourant la mort de Bachand? Eh bien, le drame, on peut dire qu'il débute la veille du meurtre. Donc, Bachand, à ce moment-là, il loge chez un ami, Pierre Barral, un ami français, qui a un petit appartement minuscule dans la banlieue nord de Paris, à Saint-Ouen. Donc, en soirée du 28, il y a un couple de Québécois qui se présentent, un homme et une femme. Ils veulent voir Bachand, mais Bachand n'est pas là. Donc, Barral leur donne rendez-vous le lendemain midi. Et le lendemain midi, donc, ils reviennent. Et cette fois-là, Bachand est présent. Bachand semble reconnaître la femme. Il n'est pas certain. L'homme, ça ne lui dit rien. Mais ils partent tous les trois dans un café. Ils discutent un moment. Et à leur retour, ils dînent avec Barral. Et Barral, après le repas, s'en va à l'université et à son retour, il trouve Bachand dans une mare de sang avec 2 balles dans la tête. Donc, l'extrait, on entendait un coup de gourdin, mais ça, c'est vraiment un peu le fake news de l'époque qui est circulé après la mort de Bachand. Donc, évidemment, apparent, en tout cas, il y a comme une équation qui commence à prendre forme. Cela dit, et on va y revenir dans un instant, parce que ce sera l'une des deux grandes hypothèses. Est-ce qu'il a été tué par ces deux personnes avec qui il dîne ce soir-là? Est-ce que c'est donc un règlement de compte interne au FLQ? Ça, c'est une des grandes hypothèses. Mais il y en a une autre qui va aussi être explorée. Il y aura un livre au moins qui sera publié autour de ça. L'espèce de complot d'État, d'assassinat politique. Commençons par cette hypothèse-là. Oui, ça, c'est une hypothèse qui est contemporaine de Bachand, en fait. Bachand a encore des connaissances aujourd'hui qui croient dur comme fer que c'est la GRC qui a commandé le meurtre de Bachand. D'autres vont parler de la CIA, parfois le KGB, tout y passe. C'est une thèse qui a été vraiment popularisée par le chercheur Michael McLaughlin en 1998. Il a publié un essai basé sur des documents lourdement caviardés. Et lui, en est venu à la conclusion que le meurtre avait été commandé de très haut, donc de Pierre Trudeau lui-même, directement. Donc, c'est vraiment particulier. Mais c'est ça pour lui, il a vraiment lu entre les lignes des documents. Et aussi, il faut dire, Bachand a un peu lui-même contribué à brouiller les pistes, parce que avec ses proches, à l'époque, il se disait sous protection de la police. Mais quelle police? La police française? Donc, c'est un peu intriguant. Il a laissé des témoignages contradictoires, donc qui alimentent cette hypothèse-là. Oui. Qui, cela dit, je pense, a perdu du lustre au fil du temps, ce qui nous ramène à la deuxième grande hypothèse, celle que vous avez le davantage explorée dans votre documentaire avec Antoine Robitaille, cette hypothèse d'un règlement de compte interne au FLQ. Qu'est-ce qui milite, Dave Noël, en faveur de cette deuxième hypothèse? Ben d'abord, le fait que Bachand dérangeait beaucoup par ses déclarations, notamment le FLQ d'Alger. Le FLQ d'Alger qui avait publié une réplique à son entrevue à Politique Hebdo en disant que le fumiste Bachand, le présumé secrétaire général. Donc, on sait qu'il y avait de grandes frictions entre Bachand et ce groupe-là, d'autant plus que ces frictions-là se retrouvent dans les communications entre les pirates de l'air qui sont toujours à Cuba, Charette et Allard, et les gens d'Alger. Donc, on parlait d'épuration du mouvement à ce moment-là dans les échanges. Et puis, évidemment, l'évocation par Lanteau tout à l'heure de Pierre Charette, qui se revendiquait en quelque sorte comme le père spirituel de l'affaire, de la mort de Bachand. Donc, il y a vraiment une lutte de pouvoir qui est documentée. Et aussi, si on revient aussi aux archives du CAD, il y a cette thèse-là aussi du complot contre Bourassa, donc qui se serait retourné contre Bachand. Il y a toutes sortes de possibilités, donc c'est vraiment la thèse la plus sérieuse. Ouais. Et l'un des acteurs possibles dans ce deuxième scénario de règlement de compte à l'interne au FLQ, c'est Raymond Villeneuve. Vous nous direz qui il est et pourquoi il est au cœur de cette thèse-là dans un instant. Mais on l'écoute dans un extrait de votre documentaire « Mario Bachand, le dernier FLQiste ». Vous l'avez confronté avec Antoine Robitaille au sujet justement de sa possible implication directe ou indirecte dans le meurtre de Bachand. On regarde ça, là, l'épuration, les problèmes avec François Bachand, Mario Bachand, le fait que vous... Il me semble tout converge vers le fait que vous avez commandé ce meurtre-là. J'ai envie de dire, pourquoi vous le dites pas? Ah oui, mais... Si quelqu'un l'a fait, il pourrait le dire, là... C'est sûr qu'on peut conclure que ça y a un lien direct, mais moi, je vois pas le lien direct, là. Toi, tu le vois pas, le lien? Non. Je sais que c'est pas moi qui a tué, puis j'ai pas commandé de tuer Bachand. T'aurais pas pu, admettons, d'Alger dire à Normand Roy, vas-y, fais-le. Ça, tu nies ça. Oui. Ah oui, ben oui, j'ai pas... Non. Puis toi, ça t'a-tu affecté quand Bachand est mort? Est-ce que ça t'a fait de quoi? Ben, c'est sûr que j'étais pas content, là. Je veux dire, c'est sûr que ça pouvait nous faire peur, là. S'il y a quelqu'un qui tue un membre, il y a peut-être d'autres qui vont être tués, là. Ta relation avec Bachand, est-ce qu'elle était bonne? Toi puis lui, est-ce que vous entendiez bien? Oui, je pense. Oui. Même si je pouvais être en désaccord avec quelqu'un, ça voulait pas dire... J'allais vous le tuer, là. Alors, qui sont Normand Roy et Raymond Villeneuve, Dave Noël, et sur quoi repose ce lien possible entre eux et le meurtre de Bachand? Donc, Raymond Villeneuve, lui, c'est un personnage central, donc il est à Alger. C'est lui qui avait autorisé l'entrée de Bachand dans le FLQ en 63. Donc, ils se connaissent bien, ils se sont côtoyés à Cuba en 69-70. Et lui, dans le fond, c'est... On lui a parlé en 2010 et en 2020, et les deux fois, elle nous a fait la même réponse. Il nie toute implication et il fait toujours la même blague selon laquelle, pour tuer Bachan à partir d'Alger, ça lui aurait pris une arme spéciale fournie par le KGB. Il nie tout à fait son implication. Par contre, à l'été 71, donc quelques mois après la mort de Bachan, il reçoit la visite d'un felkiste à la retraite, si on veut, entre guillemets, et il pose beaucoup de questions sur la provenance de l'arme. Est-ce qu'on sait d'où vient l'arme? Qu'est-ce qu'on dit à Montréal de la mort de Bachan? Donc, il est très, très intéressé. Donc, ça, c'est à retenir. Et pour ce qui est de Normand Roy, donc, qui est-il? Lui, c'est un ancien membre du réseau Geoffroy. C'est un des deux Fedaïm Felkis qui est interviewé à l'été 70 par Pierre Nadeau dans un camp d'entraînement palestinien en Jordanie. Il se présente à l'époque sous le nom de guerre Selim. Donc, lui, il a fondé la délégation extérieure du FLQ à Alger. Et il se présente, nous, quand on lui a parlé, dans le cadre du documentaire, Félix Rose lui a parlé, il se présente comme un soldat. Moi, je suis un soldat. Et puis, c'est un personnage très, très particulier. Et Barral, le colocataire de Bachan, l'a identifié sur deux des photos comme étant l'homme qui leur a rendu visite la journée de la mort de Bachan et qui a dîné avec eux. Donc voilà, c'est un personnage très, très important. Ouais. Quel genre d'écho ça va avoir, Dave Noël, ce meurtre de Bachan à Paris en 71? Donc, premièrement, l'affaire fait les manchettes. Les quotidiens québécois en parlent à la une. On parle de toutes sortes de rumeurs, le triangle amoureux. Mais ça va tomber assez rapidement. Il y a les impacts au sein du mouvement qui sont très importants. On entendait tantôt Langteau qui était un peu craintif en se disant bien, si Bachan est éliminé, d'ailleurs c'était un de ses amis proches, si Bachan est éliminé, d'autres pourraient l'être également, on va tous y passer. Donc il y avait ces craintes-là. Et puis la mort de Bachan coïncide avec un autre événement, c'est que la délégation extérieure du FLQ d'Alger tentait de rassembler les felkistes en exil à Alger, notamment les pirates de l'air qui étaient à La Havane. Et ils écrivent des lettres à Boumédienne, à Castro. Mais c'est un échec. Ils ne réussissent pas à rassembler les felkistes et ils ne réussissent pas non plus à avoir un entraînement révolutionnaire pour tout le monde. Donc, un peu, c'est le début du déclin du FLQ à l'étranger et à Montréal aussi, parce que les felkistes qui sont restés un peu actifs, qui essayaient d'organiser un octobre 71, ils vont échouer complètement, notamment en raison du braquage de banque ratée de Mascouche où Pierre-Louis Bourret, un jeune homme, va décéder d'une balle dans la tête au cours d'une fusillade qui va suivre l'attaque. Oui. Donc, la mort de Bachan, c'est un peu le début de l'agonie et la mort de Pierre-Louis Bourret, c'est un peu le coup fatal parce que par la suite, le FLQ, au début 72, va s'éteindre très graduellement, donc ça va disparaître et ça va jamais revenir, à part sous la forme de graffiti épisodique. Dave Noël, historien, journaliste pour le Bureau du Devoir à l'Assemblée nationale, instigateur, je le rappelle, avec Antoine Robitaille, de cette série documentaire Mario Bachan, le dernier felkiste disponible sur la plateforme Illico. Merci beaucoup, Dave. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.